بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية في اليمن. أنا plaisir de vous présenter تفسير سورة الفاتحة. طه منير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 6. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونفني الآية الأولى، قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. واستفدنا أن الآية تتضمن المحبة. أي سبيقس celui qui comprend le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça implique al-mahabba, ça implique l'amour. Wa taqaddam ma'ana kalam ibn al-Qayyim anna al-muslim il aime Allah et il aime ce que Allah il aime et il aime fillah et il déteste fillah. Fa ça suffit pas, la personne il aime Allah, la cette mahabba elle doit suivre le kitab ou la sunna. Et tout ça, on l'avait expliqué en détail. Thumma, on est arrivé à l'aïa thaniya. Qala shaykh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala al-aïa thaniya. Qala fiha al-raja. Qawluhu al-rahman al-rahim. Al-raja, ay l'espérance, l'espoir. Lianna huwa sidi al-rahman al-rahim يعتقد عليكم السلام يعتقد أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم. فإذا espérer cette رحمة il sait qu'il a un رب عز وجل il est رحمن il est رحيم. Il sait qu'il a un رب عز وجل s'il fait un péché الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. Cette آية فيها الرجاء. La première آية المحبة يحب il adore بمحبة. Et cette deuxième ayah, Ar-Rahman Ar-Rahim, il adore bimahabba et il adore biraja. Il sait qu'il a un Rabbi Ar-Rahim. Il sait que l'être humain, il n'est pas ma'soum. Il peut faire des péchés, il peut glisser, il peut dévier dans certaines choses. Lakin, s'il sait qu'en Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, il revient. Il revient et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à qui il veut. Qala Cheikh al-Fawzan, l'aya thaniya min surat al-Fatiha, wa hiya Ar-Rahman Ar-Rahim, fiha Ar-Raja. رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى لأنه إذا كان رحمانا رحيما أو إذا كان رحما أو نعم ينفوت أو غاجتين مد. قال إذا كان رحمانا رحيما فإنه ترجى رحمته سبحانه وتعالى. والآيات في هذا الباب كثيرة الأحاديث. ومن أسباب الرحمة الآن يديك كوز بوك الله يفاص رحمة على فيخسن. أولا لا فيخسن يسيكات من الشرك. من وقع في الشرك celui qui يشرك بالله الله لو بعض إذا مات على ذلك عليكم السلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا جماعة لأخ فني لأخ أما هذه الأيام لطن إلي بقى مضبوط. فمن أسباب الرحمة ونادي أن الإنسان يبتعد عن الشرك أو من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فسلوي كي فو كي اسبر لا ميزيريكورد الله سبحانه وتعالى يسلوان دي كوز كي بوس ا ne pas recevoir la miséricorde. Ou les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ces causes, il ne fait pas la miséricorde à la personne. Celui qui met à la shirk, il ne peut pas espérer ça. Ou s'il récite Al-Fatiha. Il récite Ar-Rahman Ar-Rahim. Thumma, yushrik billah azza wa jal. Et il met à la hada shirk. Hada, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Yastafid kadhalik annahu si, il ne savait pas. Il a fait du shirk. Il a mal compris une chose. Il fait tawba avant de mourir. لأن الله إلى رحمن رحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا بيحسن دائما يشخش لكل الرحمة يسلوان des choses qui contredisent Hadir Rahma, et des choses qui poussent que Allah subhanahu wa ta'ala il ne fait pas miséricorde à la personne. Kadalik min asbab ar-rahma ad-du'a. La personne il fait du'a. Ya arhamur rahimin irhamni. Ça c'est min a'zam ad-du'a. Lian Allah subhanahu wa ta'ala si tu fais miséricorde, s'il accepte ton invocation, tu lui demandes la miséricorde, t'auras gagné fi dunya wal akhirah. Kadalik min asbab ar-rahma أن على شخص يرحم للآخر يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء كما قال عيسى عليه السلام فت ميزيريكورد على الذين في الأرض الله يفوت ميزيريكورد فمن أسباب الرحمة سك ترحم الآخرين هذه الرحمة بالضوابط الشرعية الرحمة pour les autres ça veut pas dire on se tait sur le haq ou on l'appuie sur son batil أبدا من الرحمة c'est que tu lui montres ses erreurs من الرحمة c'est que tu le conseilles من الرحمة c'est que tu t'entraides معه في طاعة الله وهكذا فهذه الآية آية عظيمة الآية الثانية قال شيخ الإسلام فيها الرجاء الرجاء c'est l'espérance le fait d'espérer ترجو tu dis أرجو أن يكون كذا j'espère qu'il y aura كذا قال شيخ الإسلام والآية الثالثة فيها الخوف قال وهي قوله تعالى مالك يوم الدين troisième آية الخوف الآن on tire des trois premiers versets المحبة الرجاء et الخوف والإمام ابن القيم رحمه الله il a un كلام عظيم في هذه الأركان هذه c'est أركان العبادة الرجاء الخوف والمحبة المسلم يدور les trois si il penche plus مثلا vers le خوف c'est une porte d'égarement il peut désespérer de la miséricorde d'Allah كما فعل الخوارج ou كما فعلت الخوارج si il bascule trop vers le رجاء ويأمن من مكر الله il peut tomber والعياذ بالله في مذهب الإرجاء il fait des دنوب il dit Allah غفور رحيم il n'a plus peur ولو s'il fait un ذنب il croit qu'il est à l'abri كذلك si la personne il bascule trop vers le محبة et il n'a plus trop pas de رجاء كما يقول بعض الضلال من الصوفية أنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى il espère pas الجنة et il n'a pas peur من النار c'est pas pour le جنة qu'il adore Allah et c'est pas parce qu'il a peur de النار لا c'est parce qu'il l'aime فقط ça c'est un bête d'égarement ça c'est un bête d'égarement le musulman il adore Allah parce qu'il l'aime parce qu'il espère le جنة et il a peur من عذاب الله ومن غضب الله هذا فالي 3 c'est مهم جدا et tu remarqueras que les 3 c'est les 3 premiers versets du Coran لأن الدين la religion de la personne لا تقوم إلا بهذه الثلاث celui qui est قوي في الرجاء قوي في الخوف قوي في المحبة ça sera une personne pieuse رجل صالح et celui qui médite sur la vie du prophète يجد هذا النبي صلى الله عليه وسلم il avait peur من الله حتى أحيانا كان يبكي من شدة الخوف alors que Allah il lui a pardonné كذلك il espérait الرجاء il sait أن الله سبحانه وتعالى il est غفور رحيم كذلك il adore Allah بمحبة et il aime في الله il déteste في الله enfin, plus la personne il travaille ces trois points plus son iman il sera قوي بإذن الله عز وجل قال الشيخ الفوزان قال وهي قوله تعالى مالك يوم الدين فيها التخويف من هذا اليوم قال والإدانة والإدانة يوم القيامة بالأعمال السيئة ففيها الخوف نعم la personne il a peur لأنه il sait qu'un jour il sait qu'un jour il aura des comptes à rendre لأنه il récite tous les jours مالك يوم الدين فلا personne qui pense à هذا اليوم il aura الخوف لأنه il sait qu'il est مقصر dans des choses il sait qu'il fait des péchés il sait qu'il a enfin, ce verset ça le pousse à avoir peur il a peur لكن cette peur ça ne le pousse pas à désespérer أبدا لأن juste avant il a récité الرحمن الرحيم خوف ورجاء tout ça avec محبة إخلاص الإنسان اللي على خير قال فالآية الأولى فيها محبة الله الحمد لله رب العالمين والثانية الرحمن الرحيم فيها الرجاء رجاء رحمة الله والثالثة فيها الخوف من عقاب الله مالك يوم الدين شيخ الفوزان الآن il a résumé les trois المحبة l'amour الرجاء l'espérance et le خوف la peur قال فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاث المحبة والرجاء والخوف فهي أساس العبادة بعض علماء اللي appelle أركان c'est les bases c'est les piliers de l'adoration une personne qui adore Allah سبحانه وتعالى بدون محبة هذا يعني على خطر أو بدون رجاء il espère pas يقنط من رحمة الله ça c'est من صفات المشركين من صفات الكافرين كذلك بغير خوف ça c'est من صفات الزنادقة قال الشيخ الفوزان أما من أخذ بواحدة منها فقط فإنه يكون ضالا نعم celui qui حقق pas les trois il sera على طريق الضلال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صراط الله المستقيم Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est trois choses. Enfin, celui qui prend une, ou qui n'exagère dans une, ou qui ne haqqaq pas une, ça sera forcément une porte d'égarement. Et vous allez voir les exemples qu'il va citer. Qala amma man akhada bi wahida minha faqat fa innahu yakun dhallan. Fa man 'abada Allah bil mahabba faqat wa la yakhaf wa la yarju. Fa hadhihi tariqatu sufiyya. Alladhina yaqulun la na'budu Allah khawfan min nari wa la tam'an min fi jannatihi. وإنما نعبده لأننا نحبه. هذه طريقة الزنادقة الضلال. Ce madhab il est connu chez Soufia. Ils prétendent qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala par mahabba faqat. Une personne qui parle à ilm ou qui ne connaît pas l'explication de surat Fatiha, ya quoi l'ulama fi hada, ça peut lui apparaître un kalam tayyib. Il adore Allah bi mahabba. Lakin tu es obligé dans ton adoration de suivre le Rasul. Le Rasul sallam il n'a jamais dit hada kalam. La na'budu Allah khawfan min nari. Ça c'est grave. Ya quoi Allah azza wa jal, fala taqafu mukhafuni. Pour eux, ils pensent que si tu dis j'adore Allah par peur de nar, c'est comme si tu avais un intérêt. C'est un kalam batil. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé le nar. Il a créé le nar. Il a créé le jannah. Et anta, ton but c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, hatta tabta'i min hadhihi an-nar, et tu rentres dans le jannah. Fa kayfa yaqul qa'il la ana j'adore Allah pas parce que j'ai peur min an-nar. Ça c'est min wasawis iblis. Wasawis iblis il a égaré haoula min hadha al-bab. Al-an ça va impliquer quelque chose de grave hada. Lianna eux les péchés al-an ça va être simple pour cette personne. Lianna il adore Allah par mahabba. Il va faire un péché, il va dire lakin j'aime Allah. Et la peur de nar, il l'a plus, enfin, ça va le pousser à faire des péchés, des ajaib. Et celui qui connaît madhab al-sufiyya, khassatan leur tête, il y a ta'adab les ma'as qu'ils font. Non, il a plus peur, min al-nar. Et il n'espère pas le jannah. Il adore hakada. C'est une mahabba, parce qu'il aime. Lakin cette mahabba, elle n'est pas valide. Elle n'est pas valide, lianna il se contredit. Il se contredit. Mais le mahabbat il a azza wa jal, c'est que tu as peur min al-nar. Et c'est que tu espères le jannah. Comme on a vu le premier dars. Qala Cheikh al-Fawzan wa hadha dhalal wal 'iyad billah. Lian ar-rusul wal mala'ika afdal al-khalq yakhafun Allah wa yarjunahu innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Raghaban wa rahaba. Ay khawfan wa tama'a. Eux ils espèrent. C'est ils l'espèrent. Il a peur, il craint que ses œuvres ne sont pas acceptées, qu'il ne sait pas comment il va mourir. Enfin, le muslim il est hakada. Entre l'espérance et le khawf. Amma kalam soufia il est wadih al-butlan. Qala wal rusul yakhafunahu wa yarjunahu. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه يرجون رحمته ويخافون عذابه فانظر أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته. Parmi les tafsirs de l'ayah, on avait vu أن الرسل والملائكة ومريم عليه السلام إلى آخره. Cheikh l'Islam nous avait expliqué que tous les tafsirs sont bons. فهؤلاء ils espèrent la miséricorde d'Allah et ils ont peur de son châtiment. Fakayf un sofi, un munharif, un dal, al-an nous dit là, ana, j'adore pas Allah parce que j'ai peur min al-nar, ou parce que j'espère al-jannah. Qala Cheikh al-Fawzan, ha'oula, kama ja'a fi tafsir annahum al-Uzayr wa Isa wa ummuh. نعم وشيخ الإسلام nous avait expliqué أن الآية العامة. قال وأما الذين كانوا يعبدهم المشركون هم عباد يرجون رحمة الله ويخافون عذابه فكيف يعبدون مع الله. Ça c'est un délil, rad ala al-mushrikin. Ceux qui adorent Isa, ceux qui adorent les prophètes, les anges, min dounillah, eux-mêmes, les anges et les prophètes, ils ont peur d'Allah et ils espèrent la miséricorde d'Allah. Fa kayf t'adore, anta, ce makhlouq. T'as pas le droit. Tu dois adorer celui qui peut te donner le rahma et te préserver du châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa man abad Allah bil raja faqat, fa huwa min al-murji'ah. الذين يعتمدون على الرجاء ولا يخافون من الذنوب والمعاصي. هذا مذهب فاسد باطل مذهب المرجئة. Le premier مذهب الزنادقة الصوفية. Ils adorent Allah avec l'amour فقط. Le deuxième مذهب, par rapport aux deux points qu'on a cités, المرجئة. Al-Murji'a, ça vient de l'Irja. Wal-Irja, c'est ta'khir. Ta'khir. Le fait de, d'écarter une chose, de retarder une chose. Ils les ont appelés Murji'a, li'annahum yaqulun, al-amal, c'est pas min al-iman. Al-amal, indahum, c'est pas min al-iman. Fa ha'oula, wal-iyadu billah, ils ont une aqida, anna al-dhamb, le péché, il fait aucun mal à la foi de la personne. Aucun mal. Ils ont un rouleau vers l'irja. Alors que un sunni, il sait très bien les péchés, ça fait descendre l'iman. Il a peur, il espère. Il sait que les péchés, s'il demande pardon, Allah il lui pardonne. Et s'il s'écarte du shirk, Allah il peut lui pardonner. Amma haoula, Cheikh Al-Fawzan, il va citer Shay min dhalalihim. Qala yaqulun, al-iman tasdiqun fil qalb. Ou tasdiqun bil qalb, ma'an nutq bil lisan. Qu'est-ce qui manque là في تعريف الايمان التعريف السني الصحيح عبد الملك عمل بالجوارح نعم والعمل بالجوارح اما هم لا لا يوجد ايمان c'est une croyance تصديق في القلب tu reconnais dans ton cœur tu صدق tu sais que c'est حق et tu prononces هذا c'est ça l'iman celui qui a ces deux choses il a l'iman كامل عندهم اما نحن لا لا بد الجوارح العمل بالجوارح كما قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا التعليل ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل لأن ce qui va prouver que tu es sincère que tu es véridique c'est العمل et on avait vu en détail نحن في كتب العقيدة c'est مسائل قال الشيخ الفوزان ويقولون الأعمال إنما هي مكملات وهذا ضلال والعياذ بالله نعم ils disent pas que العمل c'est pas bien هم أبدا لكن ils disent العمل c'est un plus فقط وهذا سبع طريقة السلف طريقة السلف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فالعمل من الإيمان قال وهذا ضلال والعياذ بالله لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يكفي واحد من هذه الأمور لا بد منها جميعا ليس قولا فقط ولا عملا فقط ولا اعتقادا فقط نعم والمسلم السني طالب العلم في هذا في هذا الباب يغست على ما عليه السلف غستكم السلف قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية فده زي فوق في العمل أما polémiquer sur certaines مسائل et la personne il délaisse l'ibada هذا ça lui fera du mal قال ليس قولا فقط ولا عملا فقط ولا اعتقادا فقط بل لابد من هذه الأمور الثلاث حتى يتحقق الإيمان ولا شك أن la personne plus il fait du عمل plus il est sincère plus sa foi elle va monter et ça ne veut pas dire qu'une personne si délaisse un عمل c'est plus un مسلم لا لا لكن تعريف في السلف c'est هذا قول وعمل واعتقاد celui qui délaisse الصلاة معروف الخلاف معروف القول الراجح عندكم قال بل لا بد من هذه الأمور الثلاث حتى يتحقق الإيمان ومن عبد الله بالخوف فقط فهو على طريقة الخوارج troisième مذهب celui qui adore الله سبحانه وتعالى بالخوف فقط غلو ils exagèrent dans le خوف حتى ils désespèrent بعض الناس تعلمون بسبب جهلهم ils croient que tout ce qu'il fait il fait des مصائب et dit الله غفور رحيم هذا ça montre ضعف الإيمان لأن أولا il sait pas si Allah il va lui pardonner et ثانيا le muslim il s'écarte il fait des efforts et sa aqida Allah ghafur rahim amma il fait le péché et il se laisse aller dans le péché et il dit Allah ghafur rahim n'am Allah ghafur rahim lakin il est chadid l'iqab كذلك tu trouves en awam ils ont un autre penchant wa l'iyadu billah anna ils ont du ghulu fil khawf je lui dis مثلا fais salat ou écarte toi de ça de ce péché مثلا il dit مثلا أنا فاصم جيف كذا الله يبى بلين بعذني الله صلى الله عليه وسلم كيف الله يبى بلين بعذني الله يبعذنا كيف الله يبعذنا كيف فتتعجب من هذا الكلام ils ont du goulou في الخوف حتى يبص يقمت من رحمة الله أن الله يلو بعذن غابل جيت تدخلوا كيف تيجي تدخلوا رحمة الله وسعت كل شيء ف n'importe quel dhanb que la personne fait tant qu'il est vivant, Allah il lui pardonne. S'il fait tawba, Allah il lui pardonne tout. Ça vous montre هذا أن من أعظم أسباب الضلال c'est le ghulou, exagéré. Même si la mas'ala est haq. مثلا الرجاء c'est haq. لكن si tu fais du ghulou dans ce haq, tu sors du haq إلى الباطل. مثلا المحبة c'est haq. أو محبة الرسول. الغلو في محبة الرسول أو غلو أو محبة الصالحين c'est des babs de dhalal. Et tu remarqueras que Iblis عليه لعنة الله il égare la personne من هذا. Iblis, il n'est pas venu vers Haoula et il leur a dit insultez Allah, le Coran, c'est pas vrai. Abadan. Il sait que c'est des gens, ils aiment Allah, ils veulent le khayr. Lakin, il les égare avec le ghulou. Al-Khawarij, ghulou fil khawf. Al-Sofia, ghulou fil mahabba. La personne, il fait attention à le ghulou. Quand il y a un comment je peux m'écarter du ghulou? Tu t'écartes du ghulou en suivant le kitab et le sunnah. À chaque fois que tu t'écartes min al-adilla, tu tomberas fil ghulou. Ou son inverse. Ifrat ou tafrid. Imma t'exagéreras, tu vas rajouter. Imma, tu vas enlever. Les deux, c'est des portes d'égarement. Ah, mais celui qui veut, il veut s'écarter min hada, al-kitab et le sunnah. Et kitab ou sunnah, tu ne comprends pas ta façon intale. Mais à ta façon, tu peux exagérer. La personne, il peut exagérer, wal'iyadu billah. Khassatan, c'est le da'if al-ilm. Anta, le kitab al-sunnah, tu comprends comme le sahaba. Et avec cette tariqa, tu vas voir que la ibadah, elle va être facilitée pour toi. Ad-din, il va être sahle, jiddan. T'as un dalil, tu fais. T'as pas de dalil, tu fais pas. Dès que tu peux plus, t'excuser. Dès que tu te trompes, taouba. Dès que tu sais pas, tu demandes. Tu verras que ton din, il sera très très simple. Très très simple. Si tu peux pas, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Tu peux pas, tu peux pas. Si tu t'es trompé, tu reviens. Ar-Rahman ar-Rahim, Allah il pardonne. Si tu sais pas, fas'alu ahl al-dhikr. Demande. Wa hakada t'avances. Ama la personne, il s'entête. Il demande pas. Il exagère. Ça, c'est toutes les causes de l'égarement de Allah subhanahu wa ta'ala. Lana wa lakum al-afiya. Qala al-Sheikh al-Fawzan. قال فهو على طريقة على طريقة الخوارج الذين يعبدون الله بالخوف فيأخذون بنصوص الوعيد فقط ويتركون نصوص الوعد والمغفرة والرحمة. Et on a cité dans plusieurs dourous des exemples. On a cité des exemples. أن هؤلاء من أسباب غلوهم. Et ça c'est important, parmi les causes qui les ont fait tomber dans le rouleau, dans l'exagération, un homme, ils prennent une partie des textes, faqat. Al-Khawarij, ils s'accrochent à certains textes. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ils sont attachés à ce verset, tous les autres versets qui l'expliquent, ou les ahadith, ou l'explication des compagnons, tout ça ils ont mis de côté. Ben, ils sont égarés, en prétendant qu'ils ont un dalil. En prétendant qu'ils ont un dalil. Et ils ont un dalil, lakin il n'est pas à sa place. Le dalil, il faut qu'il soit à sa place, il faut qu'il soit compris. À la tariqat as-salaf. Enfin, ça vous montre, hein, elle n'a parmi les causes d'égarement, elle a la personne, il prend une partie des textes et il délaisse les autres. Et il délaisse l'autre partie. Voilà, on a donné des exemples, katiran, fi al-khawarij wa al-murji'a wa غيرهم, fi wa ghayrihim. Qala fa hadi tawaif al-ghula. Al-ghula, c'est le pluriel de al-ghali. C'est celui qui fait du ghulu. Celui qui fait du ghulu. Al-ghulu, ashab. Al-ghula, ashab al-ghulu. Et le ghulu, c'est l'exagération. قال الصوفية والمرجئة والخوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. Hadith معاوية. Il a informé le prophète صلى الله عليه وسلم أن la communauté va se diviser en plusieurs groupes. Parmi ces groupes, الصوفية والمرجئة والخوارج. قال أما طريق الحق فهو الجمع بين هذه الأمور المحبة والخوف والرجاء. هذا طريقة الرسل, طريقة أصحاب رسول الله, الجمع بين المحبة والخوف والرجاء. Sans exagérer. Chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place, il sera à la khayr. قال هذا هو الإيمان وهذه طريقة المؤمنين وهذا هو التوحيد وهذا ما جمعته هذه الثلاثة. الحمد لله رب العالمين, فهذه فيها المحبة. الرحمن الرحيم, هذه فيها الرجاء. مالك يوم الدين, هذه فيها الخوف. فالـ 3 premiers versets de الفاتحة, ils sont mohim jiddan. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. Qala rahimahullah. Demain, bi'idhnillah, révisez les 3 premiers versets. Bi'idhnillah, avant de commencer le dars, on fera une muraja'a. Qala Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, iyyaka na'bud, ay qawluhu 'azza wa jalla iyyaka na'bud. Qal ay a'buduk ya rab bima madha بهذه الثلاث, بمحبتك ورجائك وخوفك. سأفهمك تناسب آيات القرآن. الله سبحانه وتعالى إلى ستة لثلاثة fondement de l'ibada. Tout ma quatrième verset, il cite la ibada elle-même. Ça te montre que la ibada, pour qu'elle soit valide, il faut les trois choses d'avant. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, mahabba. المحبة الرحمن الرحيم الرجاء مالك يوم الدين الخوف سي تاس تخوا إياك نعبد فالعبادة لي فوندي سور لي تخوا أما ديريسي أن أو دو أو نو با أبليكي لي تخوا والعياذ بالله فكما تقدم من كلام الشيخ فوزان باب من أبواب الانحراف قال الشيخ فوزان إياك نعبد نعبده أي نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الثلاث قال المحبة والخوف والرجاء لأنها لا تتحقق العبادة إلا بها أي بمجموع الثلاثة عسى تقدم قال الشيخ الإسلام فهذه ثلاث أركان العبادة وصرفها لغير الله شرك الآن سنسى الفائدة العظيمة أن ستخوة شوز محبة خوف رجاء صين عبادة فستخوة تبلغ لدنيا أترك الله أبدا تبلغ لا يجوز لك أيها المؤمن تبلغ لدنيا محبة عبادة أترك الله يونا اكسبكي دون خمي وقت تبلغ لدنيا خوف الخوف كي بالتعظيم وخوف العبادة أترك الله تبلغ فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين بعض الناس ils ont peur من الجن une peur une adoration ils croient que si ils n'obéissent pas au djinn le djinn il peut les garer ou si ils ne lui donnent pas cadeau le djinn il peut le faire هذه لا لا تجوز هذه c'est في حق الله وحده le djinn il peut rien te faire إلا يشاء الله كذلك الرجاء بعض الناس ils ont عقيدة يرجون مثلا الأموات il espère que le mort il lui donne cadeau cette espérance c'est une عبادة لأن il y a qu'Allah qui peut lui donner فأنت si tu as compris les trois tu sais que ces trois elles sont خاصة بالله بل جميع العبادة c'est pour ça qu'Allah سبحانه وتعالى قال إياك نعبد أي avec les trois et toutes les autres عبادة c'est خاص لله عز وجل قال الشيخ الفوزان قال أي من أحب غير من أحب غير الله فهو مشرك من رجا غير الله فهو مشرك ومن خاف من غير الله فهو مشرك avec bien sûr les explications qu'on a données المحبة محبة عبادة أما celui qui aime un amour naturel autre qu'Allah يجوز il aime ses parents, il aime ses enfants al khawf كذلك il y a un khawf il est tabi'i lakin c'est pas khawf ta'zim anna ce khawf il va le pousser à adorer ou ce khawf il va le pousser à croire que la créature elle peut lui faire cadeau là khawf tabi'i il voit maintenant un animal dangereux un accident un marou قال الشيخ الفوزان أو قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهم كمن تعلق بمحبة وحدها توسى تقدم نعم قال شيخ الفوزان وهم الصوفية قال شيخ الإسلام أو تعلق بالرجاء وحده قال شيخ الفوزان وهم المرجئة قال أو تعلق بالخوف وحده قال شيخ الفوزان وهم الخوارج الوعيدية يسمون الوعيدية لأنهم أخذوا نصوص الوعيد فقط الخوارج ils ont plusieurs noms et ils ont plusieurs groupes tu vas trouver des خوارج dans le groupe il y a plusieurs sectes نعم ومن أسماء الخوارج الوعيدية ils ont pris أحاديث الوعيد الوعيد c'est quelque chose c'est une menace si tu fais ça tu vas finir si tu fais ça Allah il est en colère contre toi il a أحاديث الوعيد الخوارج ils ont pris tous ces hadiths et ils ont délaissé أحاديث الرجاء إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء tout ça ils ont délaissé il les appelle al-wa'idiyya ça vient de al-wa'id ay le châtiment قال شيخ الاسلام اما ce qu'on a lu الان on l'a vu خلاص من كلام شيخ الفوزان اي le fait de prendre اما المحبة تسل اما الرجاء اما الخوف قال شيخ الاسلام فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك وفيها من الفوائد الرد على الطوائف الثلاث التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها كمن عبد الله تعالى بمحبة وحدها وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة توسى قال شيخ الفوزان والمرجئة سموا مرجئة لأنهم أرجأوا الأعمال أي أخروها قال أي أخروها عن مسمى الإيمان نعم ils ont fait sortir les œuvres les actes يعني des membres ils les ont fait sortir de la définition de l'Iman pour lui faire salat il a akhiré c'est pas min al-Iman il faut la faire il a akhiré lakin pour lui l'Iman c'est ce qu'il y a dans le cœur فقط et tu le prononces c'est ça l'Iman là on a vu في الواسطية في كثير من الكتب كثير من الأدلة التي موضحة أن الأعمال من الإيمان قال عيسى عليه السلام قال الإيمان 62 في رواية 70 شعبة قال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق صار عمل Al-Rasoul, il l'a appelé iman. Enfin, nous, on doit appeler les œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète nous a légiféré, iman. Mais si on fait sortir al-a'mal min al-iman, c'est ça l'irja. Kadalik min al-irja, le fait de croire que l'iman ne manque pas, il ne descend pas. Ça, c'est min al-irja. Al-murja'a, ils croient que l'iman, c'est une croyance dans le cœur. Si tu l'as, khalas, t'as l'iman, complet. Amma les ma'asi, pour eux, c'est autre chose. Nahnu indana, non. Indana, al-iman yazid wa yanqus. Plus tu fais de ta'a, plus il monte. Plus tu fais de désobéissance, plus il descend. Hada, aqidat, hadi aqidat al-sunna. Qal li anna l'irja'a, ma'na ta'khir. Qalu, arjih wa akha. أي أخره قال يعني أخر شأنه وانظر فيه فالإرجاء معناها التأخير سم مرجع لأنهم أخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان وأخرجوها من حقيقة الإيمان يدي كتب تعلمون في الرد على المرجئة يدي كتب في الإيمان من أحسنها كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام لتيمية avec التحقيق الشيخ الألباني من أحسن الكتب يدي ردود على المرجئة إلى آخره يستفاد منها الشيخ الفوزان لنا كلام كثير في هذا طيب نافع يستفاد منه بإذن الله vous verrez ça en détail أو certains frères ils ont vu déjà هذا في كتب العقيدة الواسطية واللمعة وهكذا طحوية يسد مثل هذا الكلام قال شيخ الإسلام وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج قال شيخ الفوزان الخوارج هم الذين خرجوا على ولاة المسلمين وكفروهم الخوارج سبيل الخروج أي سكوا في الخروج ceux qui se rebellent contre les gouverneurs ceux qui se révoltent contre les gouverneurs le gouverneur musulman هذا لا يجوز Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le comportement avec le, avoir ce gouverneur. Hatta le gouverneur fasiq fajir. As-sabr. As-sabr. Qala alayhi wa sallam man wajada min amirihi shay'an falyasbir. Il nous montre que celui, son amir, son gouverneur, il lui fait quelque chose, falyasbir. Falyasbir. La personne, il pense aux autres. قال الخوارج هم الذين خرجوا على ولاة المسلمين وكفروهم وهم يعتمدون على Il y a une erreur, ils ont attaché « ala » avec « nusus ». « As-sawab ala nusus al-wa'id ». قال وهم يعتمدون على نصوص الوعيد ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويقولون من مات عليها فهو مخلد في النار ils ont plusieurs choubahs في هذا on les a expliqué في بعض الدروس لكذلك il y a des كتب في الرد على هؤلاء في الرد على الخوارج الضلال يستفاد منها هؤلاء الخوارج سن بلوى على المسلمين سن بلوى فتنة لأنهم ils ont du غلو كما قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فسنقمع على الأمة خفت صلى الله عليه وسلم إلى أنفهم أنهم يكوبات المسلم يتشير المسلم يدلس الكافر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا فتنتهم قال شيخ الإسلام قال إياك نعبد وإياك نستعين الآن on a fini les trois versets الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين شيخ الإسلام nous a montré أن ces trois versets ils impliquent المحبة والخوف والرجاء أو المحبة والرجاء والخوف ثم il nous a expliqué trois groupes qui sont égarés في هذا الباب الصوفية الخوارج المرجعة et il t'a montré أن l'adoration elle est fondée sur ces trois et ces trois c'est une adoration t'as pas le droit de les donner à autre qu'Allah الآن il va passer au verset suivant قال إياك نعبد وإياك نستعين فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية قال إياك نعبد فيها توحيد الألوهية وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية الآن قوله إياك نعبد وإياك نستعين شيخ الإسلام nous explique ce verset فيه توحيد الألوهية Faut adorer Allah seul et tawhid al-rububiyya. Aïe, c'est Allah le créateur, celui qui donne, celui qui donne la vie, la mort et l'akhir. Ma'na al-rububiyya ma'arouf. Quand Cheikh Fawzan, il y a qu'un abud fiya tawhid al-uluhiyya. Ou ahoua ifradu Allah bi'af'al al-ibada allati shara'a halahum. L'anna al-uluhiyya ma'na al-ibada. Ou al-ibada min af'al al-ibada. Ou iya qu'un asta'in fiya tawhid al-rububiyya. لأن الإعانة من أفعال الرب سبحانه وتعالى وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله توحيد الألوهية كما تقدم معنا للزكت لا فيخسن مثلا في الصلاة في الحج في الصيام سلمي كي أغم سي في cette adoration pour Allah seul ça s'appelle توحيد الألوهية وحد الله سبحانه وتعالى في العبادة أما الربوبية c'est من أفعال الله تنفي الله سبحانه وتعالى dans ses actes à lui عز وجل ومن أفعال الله عز وجل أنه يعين C'est pour ça qu'un tas, tu lui demandes Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, si tu lui demandes l'aide, c'est que tu crois qu'il peut te la donner. Et cette croyance qu'il peut te donner de l'aide, azzawajal, c'est min rububiyyatih. C'est min rububiyyatih. فلا يجوز أن demande à l'isti'ana فيما يقدر فيما لا يقدر عليه إلا الله أو تك الله. T'as pas demandé de l'aide dans une chose qu'il y a qu'Allah qui peut te donner à autre qu'Allah. On avait fait tafsir de l'isti'ana. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. T'as le droit de t'entraider avec ton frère. Et on avait expliqué le fait de demander toujours de l'aide. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a mis en garde contre ça. لكن s'entraider sans demander إلى آخره طيب طيب لكن demander à autre qu'Allah une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut te donner, هذا c'est عين الشرك. Comme ils font certains juhal, ils demandent à des morts qu'ils guérissent leurs enfants, ils demandent à des morts la guider, ils demandent à des morts kada. Ça c'est عين الشرك. عين الشرك. تتعدم أن هؤلاء يغسل tous les jours إياك نستعين. Et il ne sait pas le meskin أن إياك نستعين c'est من التوحيد. من أي باب c'est من التوحيد إياك نستعين. أين التوحيد في إياك نستعين. هذا الآن سوف تتخزي يا جماعة. Ça c'est la règle. أين التوحيد في هذا. أحسنت. هذا لأن أصل الجملة لضمير نصب لأبخي نستعين إياك تقديم ما حق التأخير تقدم إياك devant نستعين يفيد الحصر. Ça devient du توحيد. أي لا نستعين إلا بك. هذا إياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. فتتعجب بعض الناس يغسل لبغس إياك نستعين ثم يستعين بغير الله. On conclut quoi? Il sait pas ce qu'il dit ou il s'égare بعناد ou صلى الله عليه وسلم. Ça te montre l'importance de comprendre أيها المسلم. Si tu dis إياك نستعين, tu dois demander l'aide à Allah seul dans ce cas-là, dans une chose qu'il y a qu'Allah qui peut te donner. Est-ce qu'un mort il peut soigner ton fils? أبدا. Ça rentre pas dans l'aql. La aql, la shar'an. Hatta tu dis ça à un kafir, il se moque de toi. Est-ce qu'un mort, il peut te guider? Abadan. Est-ce qu'un mort, il peut te donner un bien? Abadan. Il pourrait te donner un bien, il serait sorti de son qabr. La personne, il doit être cohérent. C'est pas un gars, tu dis une chose, tu te contredis. Khassatan fi d-din. Khassatan fi al-Qur'an karim. Khassatan fi hadi surah al-azim. Personne, il la lit et il l'applique. Bi qadr ma yastatir. Et demain, bi idnillah, on commence اهدنا الصراط المستقيم الى اخره. فدما alors jamaa espero vous on est qu'au début. Hada al-ilm demande du temps ya jamaa, demande du temps. Et دائما نستعين بالله on fait attention معاصي فنحن faire attention à hada ya jamaa. Espero صلى الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. حياكم الله مع تحيتي دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي.